que je perde la boule. Gros joint, j'ai la rente pour m'apaiser. Je fais danser ta mise, je fais lever la foule. Je donne tout mon amour, je fais pas qu'encaisser. Quand le cœur parle, non, pas besoin de tuto. C'est la plus belle, elle a les cheveux jusqu'en bas du dos. Des fois on s'est insulté, on se faisait des câlins une heure plus tôt. Je t'aime, tu sais, viens fais-moi un poutou. Je te veux toi, que pour moi, ouais, pour la vie, da. Je te fais un bisou, moi. Je te veux toi, que pour moi, ouais, pour la vie, da. Je te fais un bisou, moi. Elle a un corps de fou, visage de fou. Je suis resté dans ses bras toute la nuit. Bon, tu restes dehors toute ta vie. Et toute ma vie, je te veux avec moi. La guitare me fait penser à toi. Toute ma vie, je te veux avec moi. La guitare me fait penser à toi. Alors c'est que je suis un peu jaloux. Si je te dis que tu fais trop ta belle, elle me fait tout le temps des crises. Elle me dit réponds quand je t'appelle. Moi je te veux toi.